Le Père Noël dit consomme et souris. Prends ta voiture et marche jusqu'au centre d'achat le plus proche. Oh oh oh, ah ah ah, le beau pigeon que voilà. Oh oh oh, ah ah ah, le beau pigeon gras. Le Père Noël dit regarde les rabais, achète si ça te plaît. Armé d'une carte de crédit, ne fais pas de quartier. Oh oh oh, ah ah ah, le beau pigeon que voilà. Oh oh oh, ah ah ah, le beau pigeon gras.